Je surveille du coin de l'œil le pendule qui me tient prisonnier. Le grand chef assis dans son fauteuil pendant que nous on se fait transpirer. Il remplit deux ou trois petites feuilles, se fait servir à l'heure du café. Je surveille du coin de l'œil ce moment. De ton corps, d'être civilisé, prisonnier, le temps presse et tu ne peux t'échapper. Prisonnier, c'est la mort qui seule peut te libérer. Prisonnier, surtout pas t'évader. Je surveille du coin de l'œil les dates du calendrier. Petit bloc comme un millefeuille accroché sur le mur de l'entrée. Une page comme un fruit que l'on cueille avec au dos la vanne de la journée. Je surveille du coin de l'œil cet instant où le temps m'est compté. Prisonnier de ton corps, d'être civilisé, prisonnier, le temps presse et tu ne peux t'échapper. Prisonnier, c'est la mort qui seule peut te libérer. Prisonnier, surtout pas t'évader. Je surveille du coin de l'œil les années qui commencent à filer. Même ceux qui ont un gros portefeuille ne peuvent pas au bout en rajouter. Quand vient l'heure de leur propre deuil, c'est pour ça qu'il faut bien profiter. Je surveille du coin de l'œil cet instant où ça va m'arriver. Prisonnier de mon corps, d'être civilisé, prisonnier, le temps presse et je ne peux m'évader. Prisonnier, c'est la mort qui seule peut me libérer. Prisonnier, surtout pas, je veux surtout pas m'évader.